C'est ça la beauté de la musique. On ne peut pas te l'enlever. Vous n'avez jamais ressenti ça avec la musique? On en a besoin pour ne pas oublier. Ne pas oublier que... il y a... des endroits... dans le monde qui ne sont pas faits de murs de pierre. Qu'il y a... qu'il y a quelque chose... en nous. Qu'ils ne peuvent atteindre. Qu'ils ne peuvent toucher. Qui est à vous. Mais de quoi tu parles? L'espoir. L'espoir. L'espoir.